m'a dit c'est n'amour, ferme un peu ta grande chebou. Moi je fous rien, j'attends que les gens se bougent. Sur ma tête j'ai un masque comme Stanley Ipkiss. Dans ma ville c'est un peu tous les jours striptease. C'est souvent striptease, j'aime pas les critiques. Je rentre pas dans les critères, BX c'est gris ici. Et moi la couleur de la tristesse, la vie reste un mystère. C'est pour ça que si un sage parle, tous mes amis cessent. Ici y'a que des putains de traîtres et des profs de morale. C'est ces gens qui nous enseignent, y'a pas de code immémorable. 11-90 forêt, y'a des deals tous les 10 mètres. Aux parents coups c'est pour ça que ma street dit mec. Ici pour jouer les putes, les miss obstines. Dans les écoles j'foutais la merde plus que Jimmy Hopkins. Dès que j'y c'est les trois mousquetaires. Vise là c'est d'Artagnan. Tu vois pas que tout le monde se tait comme un coup de gagnant. De la mort, j'pisse pour éteindre les feux de l'amour. Rare que mes yeux voient le jour, frère. On m'accuse, je bois, je fume, j'abuse. T'en as, mon groupe sanguin s'érise la plus. Venez pas me dire que la vie est bien faite. J'bois un verre et j'terrorise les nymphètes. L'histoire s'égrade à chaque anniversaire. Au final, j'me rends compte que j'suis mon seul adversaire. Rien à t'offrir, à part du fils et des grosses rimes. J'fous la merde, dire que certains gosses rime. J'suis qu'un homme, des fois j'ai peur, des fois j'pleure. Car ta coke, t'as pas trouvé le bon acheteur. On fuck la vie, on smoke la grille. On sort la nuit, on se moque de la grippe. C'est hot l'ami, pire que la Moldavie. Merde, si on est coursé, nous en saute la grille. J'suis tiraillé entre le bien et cette tyrannie. Le vice une pyramide, au plus ça monte, au moins j'arrive à tenir. Connard, on reste ici, dans ton move comme des pestes ici. Authentique et les frères certifient. Tiraillé entre le bien et cette tyrannie. Le vice une pyramide, au plus ça monte, au moins j'arrive à tenir. Connard, on reste ici, dans ton move comme des pestes ici. Y'a trop de putes, c'est en peste ici. Mon flow, c'est une arme. J'dégaine mes mots, mes poings, mais pas une lame. J'ai pas de fusil Weston. Par contre, j'suis défoncé à Willie Nelson. J'suis complètement bourré à William Lawson. Sur toi, je rigole comme Nelson. J'fais pas ça pour les petites connes, juste pour les potos. Toujours chaud pour la déconnade. Et ouais, c'est l'asthme là, tu vois les tests, mes camarades. Sur mon son, t'as qu'à te marrer. C'est fait le tsunami, le rat marré. Ton fils va l'engloutir comme une grosse vague. Mais le pire, c'est dans ton move, j'suis pas en vogue. J'suis pas un amateur de drague, juste un consommateur de drogue. Dans ce rap, y'a trop de grosses merdes. Tu prends méchant loup, qui te mange tout cru comme la grand-mère. Qui te mange tout cru comme la grand-mère. Ça dit quoi, hein? S2R, la clique, y'a pas d'histoire, hein? Laisse-moi faire de la zikrade, vas-y crame. Ton bout, cherche plus à quoi on joue. Baisse les jantes, plus qu'il y ait des visages quand je dis bonjour. Peut-être j'suis pas ton genre, ouais, j'suis pas ton genre. Tout mon temps, j'fais pas ça, rouler mon champ. Rongé depuis l'heure, vas-y dealer. Qu'ici les vrais tocs sont des anciens dealers. Ma vie c'est ma chic, ma tease c'est ma zik. Ma weed c'est ma strict, gaspiré pas petit. J'dois tirer parti, ma répartie. Quatrième et sacré, les gars c'est parti. Aïe, mat ça se tape quand y'a pas de sous. BX c'est ni la jungle, des boîtes 4 sous avant Dieppe. Faudra vérifier le tard aux bandes de hyènes. C'était CIT, ciao. J'suis déraillé, entre le bien et cette tyrannie. Le fils une pyramide, au plus ça monte, au moins j'arrive à dire. Connard, on reste ici, dans ton move comme des pestes ici. Authentique et les frères certifient. Tiraillé entre le bien et cette tyrannie. Le fils une pyramide, au plus ça monte, au moins j'arrive à dire. Connard, on reste ici, dans ton move comme des pestes ici. La trop de pute, c'est en peste.